Chapitre 18e. Paul et Nadia se revirent 48 heures après les incidents dont le récit précède. « Mon Dieu, que vous êtes encore pâle et maigri !» furent les premiers mots de Madame Fresnel. « Et vous, pauvre ami ?» répondit Paul en baisant les deux mains qui se tendaient vers lui. De fait, Nadia était la plus changée. Le deuil qu'elle portait, deuil de proche parent plutôt que de veuve, augmentait sa pâleur déjà grande. Sur sa main, toujours blanche, mais moins potelée, ressortait le réseau d'azur des veines, infaillible et premier indice de l'automne de la femme. Des fils d'argent, rares encore, étaient venus, mais perdus dans l'or de la chevelure, ils ne faisaient qu'en affiner l'éclat. On retrouvait tout entier le charme touchant du visage. Toutefois, la grâce était devenue résignation, le calme, mélancolie. Il était visible que la femme avait souffert, que rien n'ôterait plus jamais à son sourire ce stigmate indéfinissable que laisse une seule matinée froide aux fleurs de l'été sur son déclin. La rose d'octobre est toujours la rose, mais où sont les parfums de mai? Nadia, me voici, fit Paul avec une douceur grave qu'il n'avait pas besoin de chercher hors de lui-même. Me voici pour toujours. Du passé, il ne reste qu'une seule chose, la tendresse qui nous unit et les promesses qui nous lient. « Ah ! S'écria-t-elle, comme vous valez mieux que moi !» Elle sanglotait, la tête appuyée sur la poitrine de son ami. Mais cette fois, c'étaient des larmes très douces. Paul, la baisant au front, lui répondit « Je ne vaux pas mieux que vous. Je vous jure que je n'ai jamais cru valoir mieux que vous, même une seule minute. Mais si cette pensée m'était venue à l'esprit, elle serait loin, maintenant. Pourquoi ? » demanda-t-elle, frappée de la conviction avec laquelle Chérency parlait. Parce que je me connais mieux. Mais, continua-t-il, quittant le sujet et regardant autour de lui, je ne trouve plus rien chez vous de ce que j'ai connu jadis. Le feu a-t-il ravagé votre appartement? Ce salon a fait peau neuve. Oui, dit-elle avec un sourire mélancolique. Vous pouvez jeter les yeux dans le plus petit recoin. Tout ce que vous découvrez n'a jamais été aperçu par aucun autre homme. Paul se sentit à son tour ému jusqu'à l'attendrissement. Ah, s'écria-t-il. « C'est vous qui valez mieux que moi. »« Tous ces changements n'ont pas été faits pour vous, mais pour moi-même. Vous avez voyagé, vous avez rencontré d'autres aspects. Mais moi, qui passe mes journées ici sans en sortir, j'avais pris en dégoût le moindre des meubles de ce salon, du salon seulement. Car, Dieu merci, les autres pièces ne peuvent me rappeler qu'une chose, les larmes que j'y versais toute seule. « Allons, » dit Paul, « c'est fini. Pour la dernière fois de notre vie, nous avons évoqué certains souvenirs. » Sur l'honneur, je ne vous en parlerai plus. À partir d'aujourd'hui, un nouvel avenir commence. » Ils dînèrent ensemble, comme ils l'avaient fait si souvent. Paul eut les plats qu'il aimait. Dans chacun des regards, des gestes de son ami, il devinait qu'elle eût souhaité de le servir à genoux. Le temps du repas s'écoula tout entier pour lui à raconter l'histoire de sa maladie. « Quelle femme que cette Claire !» fit Nadia. « Nous lui devons tout. » « Vous savez ce qu'elle a fait pour vous, mais si vous lisiez les lettres qu'elle m'a écrites, plus tard je vous dirai bien des choses. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne vous ait pas confié le moindre message pour moi. » Paul n'avait rien à répondre. Il se tut et, de tout le reste de la soirée, il ne fut plus question de la comtesse entre eux. D'ailleurs, ils ne tardèrent point à se séparer, car le voyageur, convalescent encore, avait besoin de repos. Il prit congé. Par un chaste baiser au front de celle qu'il considérait désormais comme sa fiancée. Ni l'un ni l'autre ne se dirent le lendemain quelles pensées avaient chassé durant toute la nuit le sommeil loin de leurs yeux.